fauchés au nid pour quatre personnes. Quatre belles tomates bien rondes et bien fermes. 150 grammes de champignons. Un bouquet de fines herbes. Une gousaille et quatre œufs. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. C'était les conseils de Tata Catherine.